l'intention, tu peux pas connaître ton avenir. Parce que notre avenir ne coïncide pas avec l'intention qu'on a aujourd'hui. Notre avenir ne coïncide pas avec l'intention qu'on a aujourd'hui. L'avenir de l'homme de la sixième race ne coïncide pas avec l'intention qu'il y a aujourd'hui. Et l'avenir de l'homme de la sixième race est tellement différent de l'intention qu'il peut avoir aujourd'hui que si l'homme de la sixième race le savait aujourd'hui, il paniquerait. Moi, je vous prépare lentement. J'en prépare quelques-uns, en tout cas, lentement. Je ne prépare pas tout le monde. Parce que c'est pas tout le monde qui va perdre son intention. Ça dépend du temps de vie de chacun, ça dépend comment ils vont vous accrocher, eux autres. Mais ceux qui sont marqués pour l'énergie, qui sont marqués, veux pas, Charlie, ils vont vous accrocher quelque part. L'homme ne refuse pas la lumière. L'homme ne refuse pas l'intelligence. S'il y en a un qui peut vous dire, c'est moi. Quand ils m'ont plugué, moi, Charlie, comment est-ce que l'université, ils m'ont fait sortir de vie dans le maudit. Ils m'ont fait sortir de là vite. J'ai dit, quand est-ce que je vais avoir mon doctorat? Ils ont dit, à 40 ans. Tu sais, c'est à 40 ans que j'ai commencé à parler. Ça, c'est mon doctorat. Ça, c'est leur version, ça, là. Fait qu'en attendant, tu as des intentions. Puis ils t'en donnent, ils te donnent des idées. Fait que tu manufactures encore des intentions. Puis tu changes, puis tu changes, puis tu changes. Puis tu regardes en arrière, puis tu changes, puis tu vois le jeu qu'ils ont joué. Tu vois jusqu'à quel point ils t'ont truqué, puis tu te fais truquer pendant des années de temps. Puis éventuellement, tu te fais tellement truquer que tu n'es plus truquable. Puis quand tu n'es plus truquable, à ce moment-là, tu es dans l'énergie. Là, tu peux commencer à construire une micro-société. Une micro-société qui est totalement à l'épreuve de la société contemporaine, moderne, de la fin du 20e siècle. Tout le monde voit la même chose, tout le monde comprend la même chose, c'est bien simple, bien plein. Personne ne sait comment ça va se développer, mais tout le monde sait comment ça va se développer. Fait que ceux qui sont jeunes, puis qui ont beaucoup d'énergie, puis qui ont beaucoup qui sont entrepreneurs, ainsi de suite, laissez-vous pas prendre dans les idées. Surtout les idées qui relèvent d'un aspect voilé ou occulte ou interne dans votre conscience, parce que vous allez faire jouer des mauvais tours. Ils vont se servir de votre intention pour vous planter une forme là-dedans. Savez-vous, la personne qui m'a le mieux expliqué la nature des échos dans le cerveau, c'est un ou l'autre, je ne sais pas lequel des deux, là. C'est soit Croteau ou l'autre, comment est-ce qu'il s'appelle? Claude, un des deux. Ils ont dit, parce qu'eux autres sont toujours rendus l'autre bord, ils se promènent bien plein. Puis ils m'ont dit, l'autre bord, il y a des entités qui sont bien intelligentes, qui sont très très puissantes. Et ils créent dans le cerveau humain, vous me connaissez en haut, c'est pas de même. Ils créent dans le cerveau humain des implants. Comme s'ils créent comme. Ils implantent quelque chose dans l'homme. Puis effectivement, c'est comme ça. C'est comme des jardiniers. Ils te mettent quelque chose dans la tête. Mais toi, tu ne sais pas parce que tu ne vois pas. Quand tu vas sur les plans, tu vois comment ça marche. Mais quand tu ne vois pas, tu ne sais pas comment ça marche. Tu subis ça. C'est comme, je pense, c'est Croteau qui m'expliquait la sexualité de l'humanité. Comment est-ce que ça se manufacture, l'énergie de la sexualité de l'humanité? Il dit, tu vas sur des plans, puis il dit, il y a des plans où tu as des hommes puis des femmes. Des beaux hommes puis des belles femmes. Ils sont totalement nus, mais il n'y a pas de pornographie sur ces plans-là. Des plans très, très, très, très particuliers. Et leurs activités, eux autres, deviennent pour l'homme de la sexualité. Fait que ça vous montre jusqu'à quel point on est programmé. Nous autres, on pense que Zizi nous marche, c'est parce que la fille a des belles cuisses. On réalise pas que l'énergie du Zizi apporte de là. On réalise pas, nous autres, les hommes sur la Terre, qu'on est des êtres multidimensionnels. On pense qu'on est des êtres tridimensionnels, là, avec un corps, un volume quelconque. On réalise pas qu'on est fait de plusieurs plans. On ne réalise pas qu'il y a des activités ici qui coïncident avec ce qui se passe ici. On ne réalise pas ça. De sorte que l'homme est totalement un être programmé. De sorte que l'homme n'a aucune liberté. De sorte que l'homme est totalement incapable de se suffire à lui-même. Il a l'impression qu'il suffit à lui-même parce qu'il est maintenu par des ficelles invisibles, mais il n'a aucune capacité de se suffire à lui-même. Et l'homme, un jour, devra se suffire à lui-même. Et quand un homme commence à être un petit peu plus intelligent, là, puis un petit peu plus fort, puis un petit peu plus centrique, puis un petit peu moins astral, puis qu'il y a un petit peu moins d'écho dans le mental, là, il commence à avoir une tension entre lui et ses forces-là, ses intelligences. C'est là que l'homme commence à subir le combat, là. C'est ça que l'homme connaîtra quand il commencera à se conscientiser, le combat intérieur. Là. Et où il se joue ce combat-là? Il se joue à travers ses émotions, contre l'écran de son mental. C'est là qu'il se joue le combat. Et everything goes dans ce combat-là. Et les lignes limites de son combat-là, c'est quoi? C'est la vérité puis le mensonge. On n'est pas aussi autonome qu'on pense qu'on est. La preuve, c'est qu'un jour on crève, qu'on retourne dans ces mondes-là, puis nous autres, on fait la même affaire qu'eux autres faisaient quand on était ici. Puis ça se continue. C'est ça qu'on appelle le cycle de réincarnation puis la loi du karma. Mais si on regarde l'homme demain, l'homme nouveau, le surhomme, l'homme cosmique contre l'homme planétaire, on s'aperçoit de deux choses. C'est que l'homme, pour s'affranchir de l'astral invisible, pour s'affranchir de l'écho dans son cerveau, il doit perdre la notion de l'intention. Il doit en arriver à être suffisamment sensible à l'énergie, à son énergie, à son esprit, pour que son énergie ne soit pas transformée instantanément par une intention qui est logée dans son cerveau et qui ne vient pas de son intelligence universelle. De sorte que ça veut dire ça, qu'un jour, si l'homme est pour transmuter la matière, si l'homme un jour est pour devenir autonome, si l'homme un jour est pour devenir complet, si l'homme un jour est pour devenir total, maîtriser l'énergie, contrôler la nature, lire dans les pensées de l'homme, connaître l'avenir, voir l'avenir, sortir de son corps matériel, entrer en contact avec des intelligences qui sont sur ces plans-là, il faut que l'homme soit conscient, intelligent tout le temps. La minute qu'il perd conscience, qu'il n'est pas intelligent tout le temps, il y a automatiquement sur lui de la programmation. Et une des raisons, il y a des gens qui me demandent des fois, puis qui me disent, comment ça se fait que vous nous parlez de temps? Comment ça se fait que vous nous donnez tant d'informations? C'est justement pour ça. Moi, en vous parlant, j'amène petit à petit, je force petit à petit l'homme à demeurer dans un champ d'énergie qu'aujourd'hui, il n'est pas capable par lui-même de maintenir d'une façon constante. Pour qu'un jour, l'homme puisse être dans ce champ d'énergie-là d'une façon constante et aller et voler de ses propres ailes. Si l'homme était conscient de la domination et de la programmation ou des implantations dans son esprit par des intelligences qui sont dans des mondes parallèles, l'homme serait frustré, l'homme serait rempli de crainte, l'homme aurait tendance à se suicider et l'homme perdrait notion totale de la réalité. Il deviendrait ce qu'on dit fou. C'est pour ça que les hommes qui vont vers la réalité, qui vont vers le réel, qui vont vers la déprogrammation, qui vont vers la liberté de leur esprit, parce que l'esprit de l'homme doit un jour être libre. Et pour que l'esprit de l'homme soit libre, il faut qu'il soit affranchi de ses activités astrales-là sur lui-même, à travers son mental et ses émotions. Et pour que l'homme un jour en arrive à être dans cet état-là, il est obligé, à un certain moment dans sa vie, de sentir en lui une force intérieure qui est certaine. Une force intérieure qui est réelle, qui n'est pas discutable, et s'accrocher à cette force-là et ne jamais laisser prise. C'est pour ça que je dis aux gens souvent, je dis, si ça, c'est tough, parce que les changements vibratoires sont difficiles, vous avez tendance à vous décourager, vous avez tendance à penser que peut-être vous êtes en train de capoter, rappelez-vous mes paroles. Si vous pensez que vous capotez, vous allez capoter. Mais si vous êtes capable d'aller au-delà de cette pensée-là et de réaliser que vous ne capotez pas, même quand il y a beaucoup de changements au niveau des échos dans votre cerveau, vous ne pourrez jamais capoter. Et vous regarderez quelques mois après puis quelques semaines après que c'était des changements vibratoires qui vous ont amené à être plus fort et plus fort et plus fort. L'homme aujourd'hui a la chance de comprendre ça, comme l'homme avant n'a jamais eu la chance. On a la chance aujourd'hui de comprendre les mécanismes et l'application. Chez l'homme, de certaines lois qui dérivent d'une réalité qui est totalement en dehors de sa conscience. Et on a une chance aujourd'hui de commencer à comprendre ceci une fois pour toutes, pour que l'homme en arrive éventuellement à comprendre son propre mystère. C'est pourquoi je dis, l'homme doit apprendre à ne pas se décourager, quelle que soit la nature de la tempête. Si t'es sans mer et qu'il y a une tempête, puis tu sais que ton bateau peut pas couler, il coulera pas ton bateau. T'as rien qu'à t'accrocher au mât, même si tu te fais mouiller. Fait que la minute que tu sais que ton bateau peut pas couler, t'es safe. C'est comme les petites filles, la petite femme là, qui a traversé l'Atlantique toute seule, qui s'est construit un bateau en fiberglass qui est incoulable. Elle est arrivée de l'autre bord. Il est incoulable, son bateau. Comment qu'il y aura des requins, puis qu'il y aura des tempêtes à tout casser? Hein, qu'est-ce qu'il sait, la cabine, de rester là? Puis c'est la même chose avec l'homme. Et l'homme qui va vers la conscientisation, les temps qui viennent, toute la situation qui vient, l'homme, à un certain moment, doit réaliser que son bateau est incoulable. Je comprends que c'est difficile quand on est seul, quand on est inconscient, de réaliser par notre propre ego que notre bateau est incoulable, parce qu'on a toujours des échos dans notre tête qui vont nous faire penser qu'il est coulable. Mais moi, je vous le dis que le bateau de l'homme est incoulable. C'est à vous autres de prendre ce que je dis, puis de le mesurer à ce que vous sentez, pour en arriver un jour, vous autres, à savoir, comme je vous le dis, que votre bateau est incoulable. Puis quand vous aurez perçu que ce que je vous dis, c'est ça, à ce moment-là, vous deviendrez, vous commencerez à être incoulable. Et qu'est-ce qui se passera dans les années à venir? Ça ne vous touchera plus. Ça va vous affecter. Mais un jour, ça ne vous touchera plus, et un jour, vous ne serez plus affectable, et un jour, vous rentrerez dans votre intelligence, vous aurez le cerveau vide, il n'y aura plus d'écho, et vous commencerez à être autonome, centrique, sans intention et cosmique, comme vous devez l'être. Moi, je ne peux faire qu'une chose pour vous autres sur le plan matériel, c'est vous parler. Je ne peux faire qu'une chose pour vous autres sur le plan invisible, c'est vous parler. Je peux pas faire d'autre chose. La pire chose que je pourrais faire pour vous autres, ça sera vous donner des preuves. Ça coudra en crise votre bateau. Parce que vous donnant des preuves de ce que je vous dis, pendant que vous avez encore des échos dans la tête, il vous dira que c'est des illusions qui te créent. Fait que votre bateau, il coudra pareil. Fait que des preuves, ça vous aide pas. Fait que c'est pas des preuves que vous avez de besoin. Ce que vous avez besoin, c'est de comprendre petit à petit ce que je vous dis à travers de votre expérience et de réaliser dans le temps et au cours des années qu'il y a une ligne entre moi et vous autres. Puis cette ligne-là, c'est de l'intelligence. C'est notre intelligence, c'est une intelligence universelle. Puis quand vous serez capable de demeurer à l'intérieur de cette intelligence-là, vous ne pourrez jamais sombrer, quel que soit ce qui se passe. Tout le reste, it's a matter of time. Ça n'a pas important que ce soit 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais au moins au fur et à mesure que vous avancez, vous commencez à avoir un petit peu de terre de plus en plus chaque jour, puis un jour, vous verrez le continent, puis ça sera votre continent, ça sera le continent de votre propre conscience universelle. Fait que c'est pour ça que je vous dis, les échos qui sont dans votre mental, dans votre cerveau, sont des implantations. Et comprenez que ce sont des implantations, et un jour, vous comprendrez que ces implantations sont affaiblies, sont diminuées, sont restreintes par la pénétration de votre intelligence, par la réalisation de votre intelligence. Et remarquez que l'intelligence, c'est très simple. C'est pas compliqué, l'intelligence. Dans de l'intelligence, il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux. Fait que ça, c'est la première guerre, c'est le premier aspect du combat de l'homme contre l'implantation. La première partie, le premier effort, la première activité de l'implantation contre l'homme, c'est de toujours y braquer d'en face le vrai et le faux. Puis je vous dis, moi, dans l'intelligence, ça n'existe pas le vrai et le faux. Fait que s'il y a du vrai et du faux dans votre tête, qui provient des implantations, qui fait partie des échos dans votre cerveau, réalisez puis rappelez-vous mes paroles. Il n'y en a pas. Fait qu'à ce moment-là, vous éliminerez ces implantations-là. Puis ensuite, vous éliminerez d'autres, vous éliminerez d'autres. Puis un jour, il n'y en aura plus. Un jour, il n'y aura plus d'écho dans votre cerveau. Un jour, ce sera votre intelligence. Vous serez sûr d'être sûr au lieu d'être anxieux. Ça vaut pas la merde d'être sûr. Faut être sûr d'être sûr. Puis quand vous serez sûr d'être sûr, vous serez bien. Puis quand vous serez bien, bien, vous commencerez à vivre votre vie. Puis quand ça sera le temps pour vous autres de vivre le déchirement du voile, vous vivrez le déchirement du voile, vous ne perdrez pas conscience, vous ne perdrez pas connaissance, puis vous aurez commencé, vous commencerez à comprendre ce que je vis, moi, depuis 1969. l'homme doit être introduit à une conscience qui n'appartient pas à la conscience humaine. L'homme doit être introduit à une conscience qui n'est pas la fabrication d'intelligence humaine morte ou vivante. L'homme doit être introduit à une conscience qui n'a pas de parallèle dans les archives, dans les annales, dans les mémoires de l'humanité. L'homme doit apprendre à vivre d'énergie qui crée de la pensée. L'homme ne peut pas vivre de pensée. Vous n'avez pas besoin de vivre de pensée. Vous ne vivrez jamais de pensée. L'homme doit vivre d'énergie qui crée de la pensée. Si vous avez de la communication, c'est pas pareil. De la communication avec l'intelligence puis de la pensée subjective, c'est pas pareil. De la communication avec l'intelligence, c'est comme de la communication entre les hommes. Mais de la pensée, ce n'est pas de la nourriture, c'est de la voile. Pour les animaux. Et l'homme, tant qu'il ne se sera pas dans son intelligence pure, a en lui de l'animal. Et il est nourri constamment comme s'il était un animal. C'est ça la domination astrale sur l'homme. C'est pour ça que je déteste la connaissance. Je haïs la connaissance. Je veux rien savoir de la connaissance. Parce que je sais que la connaissance est une illusion. Quand l'homme sera dans les terres, quand l'homme sera dans son intelligence, quand l'homme sera dans sa propre lumière, l'homme sera connaissance, il sera savoir. Il n'aura pas besoin d'étudier et se demander des questions. Ce sera le produit d'une descente, d'une fusion entre lui et lui. En attendant, parlez-moi pas de connaissance. Je veux rien savoir de la connaissance. Je sais trop ce que ça a fait à l'humanité, la connaissance. Et on s'ennuie, les hommes, quand on n'a pas de connaissance. On s'ennuie. Parce que ça nous amuse, la connaissance. Ça amuse notre esprit de la connaissance. Il y en a, là, qui ne sont pas intéressés à la connaissance. Ils ont vécu des petits vies bien simples, là, de leur vie. Ça les a jamais intéressés à la connaissance. Puis un jour, là, ils rencontrent quelqu'un qui est bien intéressé à la connaissance. Puis là, ils sont contaminés. Ils disent comment ça se fait. Moi, je sais, j'ai vu des gens dans des séminaires, parce que dans des séminaires, il y a des gens qui sont très ésotériques, qui ont bien la connaissance. Ils parlent du karma, là, du cosmos, puis du cosmos, tout ça, là. Puis là, il n'a jamais entendu parler de ça, le cosmos, puis le cosmos, puis le karma, il ne sait pas qu'est-ce que c'est. Puis là, il pense qu'il est ignorant. Le pauvre gars, il ne sait pas comment ce qui est bien. Il ne sait pas comment ce qui est bien. Il y a juste un pensée, puis ici, puis ça. Papa. L'autre travaille dans les bars, ça fait 20 ans, chose. Ça lui a jamais intéressé, ça fait là, des ajusteurs de pensée. Tout ce qu'il fait, lui, c'est ajuster son cash le soir. Puis là, il vient de se faire crisser une patente, là. Là, il s'en va le soir, il oublie son cash. Là, c'est l'ajusteur de pensée. Là, il est tout fucké. C'est ça, l'ésotérisme. Intéressant. On est tout pareil. Je comprends, ces gens-là. Je comprends. Parce qu'on a tendance à se comparer aux autres. On se compare aux autres. Le gros en haut, là, comment est-ce qu'il s'appelle, celui qui a des mains larges comme un pied carré, là. Pense qu'il est intéressé à la connaissance. Puis il vient aux conférences depuis le début, hein, ça fait des années, puis des mois qu'il est aux conférences. Puis je dis, comment ça va, soir? Ah, il dit ça, ben, sa grosse moustache. Il dit, qu'est-ce que t'as fait en fin de semaine? Ah, il dit, j'ai travaillé sur mon tracteur. Il travaille tout le temps sur son gris de tracteur, lui. Mais il est bien, man. Regarde-lui, il est en santé, puis il capote pas. Mais nous autres, on est dans la connaissance, puis le cosmos, puis le cosmos, puis on se pose des questions, puis on a toujours un mot du tournevis dans la tête, puis c'est pour ça qu'on a des échos, puis c'est pour ça qu'on a des problèmes psychologiques. Bonjour.